Devant toi prosterné, lavé par ton pardon, je chante tes bienfaits pour l'honneur de ton nom. Près du trône de grâce, dans le lieu très saint, près du trône de grâce, dans le lieu très saint, à toi l'adoration, Père éternel, Dieu puissant, infini et immortel, qui créa de tes mains la terre, le ciel, la mer et les étoiles, la lune, le soleil. La mer et les étoiles, la lune, le soleil. C'est par ta chair meurtrie et par ton sang versé que Jésus, aujourd'hui, je peux m'approcher du trône de la grâce dans le lieu très saint, du trône de la grâce dans le lieu très saint. À toi l'adoration, agneau de Dieu, qui siège auprès du Père dans les cieux. J'élève maintenant ton nom glorieux, Jésus ressuscité, agneau victorieux. À toi l'adoration, Père éternel, Dieu puissant, infini et immortel. À toi l'adoration, agneau de Dieu, Jésus ressuscité, agneau victorieux. Jésus ressuscité, agneau victorieux.